Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 10 octobre 2016. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Quand des élèves s'asseyent à tour de rôle dans une classe, ça donne à réfléchir. Et cela se passe à Kamenge, à Kinama, en mairie de Bujumbura. Les directeurs avouent être incapables de faire des classes parallèles. Et le pont provisoire érigé sur la rivière Mouha à l'avenue du Large en mairie de Bujumbura est praticable depuis ce soir, mais les moyens utilisés pour cela ne rassurent pas du tout. Et le ministère burundais de la Justice et le Haut Commissariat des Droits de l'Homme ont lancé ce matin la campagne dite des audiences itinérantes dans certaines prisons à travers tout le pays. L'activité permettra un traitement rapide des dossiers des prévenus, comme l'a déclaré l'inspecteur général de la Justice. Et les élèves du lycée de la commune Wusiga perdent beaucoup de temps d'études pour aller puiser de l'eau de cuisson. Ce manque d'eau date du mois de mai et l'on craint des maladies des mains sales à cet établissement qui compte plus de 700 élèves internes. Reportage dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonsoir. À la troisième semaine de la rentrée scolaire, les directeurs des écoles fondamentales de Kinama et Kamenge de la commune Nangwa en mairie de Bujumbura enregistrent un effectif élevé des élèves et un manque de matériel scolaire, surtout ceux de l'enseignement post-fondamental. Ces directeurs indiquent qu'ils n'ont pas de moyens pour faire des classes parallèles et que dans certaines classes, les élèves s'asseyent à tour de rôle. Yves Ronziman. À l'école fondamentale de Kamenge, la politique de redéploiement a touché surtout les enseignants des classes de 10e. Selon le directeur de cette école, ils enregistrent également un problème sérieux lié au manque de manuels scolaires. Léon Tuyaga. Bon, au niveau du poste fondamental, c'est là où la situation est peut-être difficile parce que dans les classes de première poste fondamental, on n'a pas encore eu les livres de l'élève. Seul existent maintenant les livres de l'enseignant. Et ça dit que les enseignants travaillent pratiquement doublement parce que il y a des notions, par exemple dans les langues, les textes, tout ça, que les élèves devraient posséder dans le propre livre, mais que maintenant le professeur doit par exemple noter au tableau noir, ou bien l'école se débrouille pour avoir des photocopies, tout ça, ça veut dire alors des dépenses supplémentaires. Même son de cloche à l'école fondamentale de Kinam, Imakire Chuburundi affirme qu'ils n'ont pas de moyens pour faire des classes parallèles. Nous avons beaucoup de problèmes en première année post-fondamentale. D'abord, du fait que les effectifs sont très élevés et que nous n'avons pas de salle pour faire des classes parallèles, sauf en première année sciences où nous avons essayé d'occuper la salle qui était réservée à la première scientifique et belle année prochaine. Et pour ce qui est de la section langue, nous avons tellement de problèmes du fait que nous avons les 159 élèves qu'on nous avait donnés à la première orientation. Et puis nous avons aussi les élèves qui continuent à réclamer pour venir en section langue chez nous et nous n'avons pas de classes suffisantes pour faire des classes parallèles. Ces directeurs demandent aux autorités supérieures de fournir des manuels suffisants dans le but de leur faciliter la tâche ou bien de transférer les élèves dans d'autres établissements qui seraient capables de les héberger. Yves Monziman. Et le ministère de la fonction publique et du travail et de l'emploi appelle les élèves qui désirent apprendre les métiers de se faire inscrire du 11 au 20 octobre 2016 dans les centres d'enseignement des métiers, les centres de formation. Dans un communiqué sorti ce lundi, le ministère de la fonction publique précise que les centres d'enseignement des métiers vont accueillir les lauréats de l'école fondamentale qui n'ont pas réussi au concours et ceux qui ont échoué ou qui n'ont pas eu accès au second cycle dans l'ancien système. Quant aux centres de formation professionnelle, l'audit communiqué indique qu'ils vont accueillir les élèves qui remplissent les conditions d'accès à l'enseignement post-fondamental ou au second cycle de l'enseignement secondaire dans l'ancien système. Ces conditions d'accès concernent les centres d'enseignement des métiers et les centres de formation professionnelle, tant publics que privés, précise le communiqué du ministère de la fonction publique. Mais certains gestionnaires des centres de formation professionnelle s'inscrivent en faux contre cette mesure du ministère de la fonction publique. Évariste Lina Hasgwe, c'est un de ceux-là. Il indique que la nouvelle mesure du ministère de la fonction publique est contraire au décret présidentiel du 12 janvier 2015 qui précise que les centres de formation accueillent les élèves qui ont échoué au concours mais qui ont réussi en classe. Ils demandent au ministre de la fonction publique de revoir cette mesure. On l'écoute. En principe, le décret du président numéro 100/09 du 12 janvier 2015 qui porte organisation et fonctionnement de l'enseignement et de la formation technique professionnelle, spécialement à ses articles 4 et 5 et 6, précise bien comment les écoles professionnelles et déterminent le genre d'élèves qu'ils accueillent pour la formation. Mais actuellement, nous voyons que le ministre ayant la fonction publique et l'emploi dans ses attributions veut confondre l'article 4 et l'article 5. Comment ? C'est-à-dire que le ministre de la fonction publique et de l'emploi veut que les centres de formation professionnelle accueillent les élèves qui ont réussi le concours. Alors que l'article 5 du décret du président spécifie bien que les écoles techniques accueillent les royaux de l'école fondamentale ayant satisfait aux critères d'orientation dans les écoles techniques. Ça, c'est l'article 4. Mais l'article 5 dit « La formation professionnelle accueille les royaux de l'école fondamentale ayant satisfait aux critères d'orientation dans les centres de formation professionnelle sont également admis à la formation professionnelle les royaux des centres d'enseignement des métiers ayant réussi à un test d'orientation. » Il y a aussi l'article 6 qui dit que « L'enseignement des métiers accueille les jeunes et les adultes n'ayant pas réussi l'école fondamentale. » Tenez bien, n'ayant pas réussi l'école fondamentale. Ou d'autres personnes ayant un besoin de se perfectionner sur un module quelconque. Alors, si vous comparez les trois articles, vous voyez que, un, les écoles techniques accueillent les enfants qui ont réussi le concours national. L'école des métiers accueille les élèves n'ayant pas réussi ni au concours ni en classe. Alors, où se situent les élèves qui ont réussi en classe mais n'ayant pas réussi le concours? Ils sont dans les centres de formation professionnelle. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons que le ministre se ressaisisse, que ce communiqué soit rectifié pour que le décret du président soit respecté à la lettre. Voilà, c'était Évariste Nahazouès, un des gestionnaires privés d'un centre de formation professionnelle. Il répondait aux questions de Joseph Nsabiyabandi. Nous marquons une courte pause. Et ce journal continue, nous reviendrons sur l'éducation dans le reportage de notre confrère qui a été au lycée d'Oboussik. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Justice, lancement d'une semaine des activités d'audience itinérante dans certaines prisons du pays. Ces activités vont permettre de traiter certains dossiers le plus rapidement possible puisque les audiences auront lieu là où les prévenus sont incarcérés. Comme l'a précisé l'inspecteur général de la justice, Adolphe Nshimirimana, qui indique aussi que les déplacements des témoins sera assuré. Suivez-le. On a procédé à un dénombrement physique des détenus ainsi que les dossiers dans les différentes prisons de la République. Suite au rapport qui a été donné, on a constaté qu'il fallait organiser des audiences d'itinérance, ce qui doit faciliter le traitement des dossiers. Au lieu que le détenu qui se trouve à la prison de Mhimba, au lieu qu'il se déplace vers, par exemple, en province de Makamba, on a constaté qu'il fallait plutôt déplacer les membres du siège. Comme ça, ça devient facile au niveau du traitement des dossiers. On ne peut pas penser qu'aujourd'hui, l'activité qui est en train d'être effectuée commence aujourd'hui. Parce que même les années passées, les itinérances ont existé. Même les années qui vont suivre, les itinérances vont continuer. Alors concrètement, je vous dirais que l'activité qui est en train d'être effectuée aujourd'hui, c'est une deuxième session. Parce qu'au mois d'août, il y avait une autre session. Il y aura une troisième session au mois de décembre. Parce que cette activité devait s'étendre ici 4 mois, donc de septembre à décembre. En actualité nationale toujours, le pont provisoire de la rivière Mouha sur l'avenue du large en mairie de Bujumbura qui avait cédé suite aux pluies diluviennes de ce samedi est praticable depuis la soirée de ce lundi. Le groupe d'entreprise ECA a utilisé des moyens modestes pour permettre la circulation en attendant les travaux de finissage du principal pont en cours de construction. Marc Rougerignang, directeur technique au sein du groupe d'entreprise ECA, a dit que ces travaux pourront se terminer à la fin de ce mois. À la source, reportage. Le temps imparti aux études au lycée Boussiga de la commune Boussiga en province Ngozi est utilisé pour puiser de l'eau de cuisson. La directrice de ce lycée explique que ce manque d'eau date du mois de mai alors que l'école est toujours en ordre et demande aux instances habilitées d'intervenir à temps avant que le choléra ne se déclare à cet établissement qui interne plus de 700 élèves. Isaïe Sindaï Heboura, chef d'antenne région nord de l'agence hydraulique et assainissement en milieu rural, dit que ce manque d'eau est dû à l'augmentation des raccordements à mi-chemin. Placide Niomongere a été au lycée de Ousiga. Il est de retour. Voici son reportage. Sous une pluie vers 10h, c'est l'eau qui tombe de la toiture et se déverse dans un petit seau alors que d'autres sont devant les salles de classe. Chaque élève se précipite pour capter l'eau à utiliser au cours de la journée. Sœur Mathilde Dekezamahoro, directrice de cet établissement, dit que son manque d'eau date du mois de mai alors que leur dortoir comporte des chasses d'eau. Nous n'avons pas d'eau si rien ne se fait. Et c'est une grande peine de vivre sans eau. Nos latrines sont des chasses d'eau. Vous comprenez bien qu'il y a des maladies qui s'en suivent. Cette école à internat ne doit à personne, poursuit la directrice du lycée Boussiga. Pour que les élèves aient de l'eau pour la toilette et la consommation, sont obligés de parcourir 4 km à pied, explique Mugisha Annick, élève de la première lettre moderne, qui crée connaître l'échec scolaire suite à la perte du temps. Si nous voulons faire de l'hygiène pour aller à l'école, ça nous demande beaucoup d'efforts. Devons aller chercher de l'eau à Niamitotoma à 4 km. Ce n'est pas le fond qu'il nous faut pour bien préparer nos études. Craignant une épidémie, Sœur Mathilde Kezamahoro, directrice d'ICE Boussiga, qui ne voit plus à quel sens se vouer, demande aux instances habilitées de faire tout possible pour sauver la vie de ses élèves exposés aux maladies des mains sales. Le temps imparti à leur étude, ils l'utilisent en puisant de l'eau. Je demanderai aux autorités administratives de penser à nos enfants. Il y a des maladies alors qui peuvent survenir. Quand on nous donne de l'eau, nous en avons besoin pour la survie de nos enfants, pour l'avenir du pays. Isaïe Sindaï Heboura, chef d'antenne région nord de l'agence hydraulique et assainissement en milieu rural, dit qu'ils sont courants de ce manque d'eau, mais le problème est que les consommateurs ont augmenté depuis le captage à Muruta dans la province de Kayanza. Il y a les abonnés, les utilisateurs, les demandeurs à partir de Muruta et en ville de Kayanza qui ont été augmentés sensiblement. La commune de Boussiga se trouve dans les hautes altitudes par rapport à la ville de Kayanza. Alors que certaines informations disent que cette eau serait déviée vers les plantations dans la commune de Muruta, Isaïe Sindaï Heboura explique que le problème a été résolu. Il y avait des pannes, des fuites, où la population gaspillait l'eau. C'est convenu avec l'administration de Muruta, l'administration de Kayanza, commune de Kayanza. Maintenant, il n'y a pas d'eau qui se déverse dans les montagnes. Isaïe Sindaï Heboura tranquillise qu'un projet de pompage est en cours pour réalimenter le lycée Boussiga, mais lui aussi garde des inquiétudes dès que le projet risque d'afficher un retard lié au manque de financement. Signalons que le lycée Boussiga a vu le jour en 1949 et compte aujourd'hui plus de 700 élèves en majorité filles repartis en 4 sections post-fondamentales dont les sciences, les langues, la pédagogie et la science sociale auxquelles s'ajoute la fondamentale. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, pour boucler ce journal, en RDC, un nouveau massacre à Beni a fait au moins 10 morts. Dans le quartier Boakene à Beni, dans l'est de la RDC, une nouvelle attaque a eu lieu dans la nuit de ce dimanche à lundi. L'attaque est attribuée aux rebelles ougandais ADF Nalu, Alliance des Forces Démocratiques, qui viennent du parc national de Virunga et qui sont très actifs dans la zone, selon les sources de la société civile du territoire de Beni présente sur place. L'organisation Human Rights Watch critique l'incapacité des autorités congolaises et de l'Organisation des Nations Unies à empêcher les massacres à répétition commis depuis 2 ans à l'est de la RDC. Au Tchad, le chef du parti d'opposition socialiste sans frontières devrait comparaître après avoir été arrêté vendredi par la police. Il avait appelé ses concitoyens à ne pas payer leurs impôts. Dinamo Daram, également membre d'une coalition qui proteste contre la réélection du président Idriss Déby, avait publié une déclaration appelant à la désobéissance civile afin de répondre à la mauvaise gouvernance d'un régime incompétent dans la gestion des ressources publiques. Et en Mauritanie, l'opposition s'est insurgée ce week-end contre toute discussion sur un troisième mandat présidentiel. Elle a ainsi réagi aux propos de Mohamed Lemine Ould Cheikh, porte-parole du gouvernement. Ce dernier a affirmé que la modification de la limite de 2 mandats présidentiels serait à l'ordre du jour du dialogue en cours sur la révision de la Constitution. Et parmi les réformes constitutionnelles que propose l'Union pour la République, parti du président au pouvoir, figure notamment la modification du drapeau national, donner plus de pouvoir au président de la République dans les amendements des projets de loi. Le parti au pouvoir voudrait aussi inscrire dans la Constitution les différentes situations de vacances de poste de président de la République. Et c'est depuis le 29 septembre dernier que le dialogue national a été lancé en Mauritanie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations. Quand des élèves s'asseyent à tour de rôle dans une classe, ça donne à réfléchir et cela se passe. Kinama et Kamenge à Mairie de Bujumbura, les directeurs des écoles, l'avouent être capables de faire des classes parallèles. Et les élèves du lycée de la commune Wusiga perdent beaucoup de temps d'études pour aller puiser de l'eau de cuisson. Ce manque d'eau date du mois de mai dernier et l'on craint des maladies des mains sales à cet établissement qui compte plus de 700 élèves internes. Et le ministère burundais de la Justice et le Haut Commissariat des Droits de l'Homme ont lancé ce matin la campagne dite des audiences itinérantes dans certaines prisons à travers tout le pays. L'activité permettra un traitement rapide des dossiers des prévenus, comme l'a déclaré l'inspecteur général de la justice. Et le pont provisoire érigé sur la rivière Mouha à l'avenue du Large, en mairie de Bujumbura, qui est praticable depuis ce soir. Mais les moyens utilisés pour cela ne rassurent pas du tout. Il avait cédé suite aux violentes pluies tombées la nuit de samedi à dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous les invités aussi pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.